blues de la mécanique, la toune de la roue qui tourne dans le beurre. C'est le grand rush et la publicité écroche. Tout le monde est automate, il y a des manufactures d'hommes. Tout le monde au maximum, il faut que ça runne. C'est le beat des compresseurs et le stress a fucké tout notre bonheur. C'est le crash. On a gagné des maisons en papier bien manchées. On a acheté notre liberté pis nos pensées. Nos muscles secs, notre cerveau, toute notre sueur. On est de la viande ouvrière, on va se noyer dans notre petite bière. Où c'est qu'on va trouver la richesse de la vie? Le paradis perdu en plein milieu de la rue. C'est qu'on va commencer de construire un monde où le soleil est gratis. Point d'achat indique, c'est que soluble dans votre café, un tiers de cent la pinte. Miel d'aurore boréale, un 33e de cent le pot de 33 livres. Croissant de clair de lune au sarrasin, 3 pour un 333e de cent. Levé de soleil à l'essence naturelle, une cent chaque, 3 pour 3 cents. La canette écologique, achetez, achetez, achetez, achetez.